Voici votre bulletin régional. La ville de Istengis invite toute la population à se joindre à la première édition de la fête des voisins qui aura lieu ce samedi 6 juin de 11 à 14 heures au parc de la Rive-Sud au 288 rue Maple. On vous invite à apporter pique-nique et couverture. Il y aura un chapiteau, de la musique et des jeux gonflables. Une surprise attendra les personnes présentes. Le 6 juin, dès 8 heures, une fête de la pêche est organisée au barrage Walter McKenzie de Scottstown. En soirée, on pourra entendre le duo chansonnier Steph et Chris. Dans le cadre de la fête des voisins, Loisirs 4 Horizons de Newport organise une vente de garage et de plantes le samedi 6 juin. Emplacement de vente, devant les résidences ou dans le stationnement et la salle communautaire de l'hôtel de ville de Newport et dans le pavillon multifonctionnel à Island Brook ou au centre communautaire Lawrence sur le chemin Lawrence. À Lingwick, la fête de la pêche se tiendra au pont couvert à compter de 9 heures le 6 juin. On aura ensemencé la rivière de truites mouchetées. Fête de la pêche également à Dodgewell dès 10 heures à la plage municipale P.E. Perrault. Le comité des loisirs offre à des jeunes de 6 à 17 ans une séance de formation et 40 permis de pêche valides jusqu'à la majorité. Le 8 juin à 19h30, au sous-sol de l'église Saint-Louis-de-France de Istengis, activité « Femmes d'ici » de la FEAS, suivie de l'Assemblée générale. Bienvenue à toutes les femmes désireuses d'en savoir plus sur la FEAS. Information 819-832-2656. Du 8 juin au 24 août, les lundis à 9h30, au parc des Deux-Rivières de Istengis, cours « Maman Poussette HSF ». Il s'agit d'une heure d'entraînement avec bébé et poussette. 80$ pour 10 semaines. Inscription et information à 819-640-3734 ou au www.enformedelamaison.com.